Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1. Futur Simple, une émission qui vous abreuve en sciences et technologies. Et la science et technologie apporte parfois son lot de questionnements éthiques. Est-ce que nous faisons une utilisation raisonnée de cette science et de cette technologie? Peut-il y avoir des dérapages? Parfois, la réalité va même parfois plus vite que notre réflexion. L'utilisation des technologies de l'information aux fins d'intimidation en est un exemple. D'ailleurs, le suicide d'une adolescente victime d'intimidation en Gaspésie en novembre dernier, la cyberintimidation est dénoncée depuis sur toutes les tribunes. Alors, je reçois aujourd'hui Madame Edith Delery, présidente de la commission d'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Madame Delery. Bonjour. Alors, d'abord, merci de venir à notre studio. C'est d'ailleurs, vous êtes presque une habituée, c'est pas la première fois que vous venez. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi aussi de venir vous voir. Donc, comme je le disais en introduction, la commission d'éthique en sciences et technologies s'est penchée sur cette question de la cyberintimidation, déjà bien avant le drame de l'automne dernier. Oui, effectivement, ça a été le sujet de la commission jeunesse en 2009. Donc, c'est vraiment une réflexion qui a été entreprise par les jeunes. Vous sentiez arriver la chose, hein? Exactement, effectivement, l'utilisation d'éthique, qui constitue un développement remarquable sur le plan sociétal, mais qui aussi comportent, je pense, leur lot d'inconvénients et leur lot de questionnements sur le plan éthique quant à leur utilisation. Mmh. Et donc, la cyberintimidation avait fait l'objet de cette commission jeunesse là, qui avait donné lieu à une série de recommandations qui s'adressaient tout à la fois au MEL, c'est-à-dire au ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, qui s'adressaient aussi au M3S, ministère de la Santé et des Services Sociaux, au ministère de la Sécurité publique aussi, aux enseignants également. Donc, quelles étaient brièvement ces recommandations? D'abord, premièrement, c'était de faire de la recherche sur les causes et les effets, les impacts de la cyberintimidation, parce que c'est une forme d'intimidation, on en conviendra. Mais pourquoi ça s'est développé? Quels en sont les impacts réels? Je pense qu'on a besoin d'en savoir davantage. Et dans cette mesure-là, on a invité le ministère d'Éducation, des Loisirs et des Sports de concert avec les organismes subventionnaires à financer effectivement des projets de recherche dans ce sens-là. C'était aussi de mettre sur pied des campagnes d'information et de sensibilisation afin de faire connaître la problématique et les ressources aussi disponibles. C'était également d'outiller les acteurs scolaires, ceux des milieux communautaires, les acteurs de services sociaux et les corps policiers de manière à ce qu'ils soient en mesure d'agir dans les cas de cyberintimidation. C'était aussi d'encourager les enseignants dans le cadre du programme éthique et culture religieuse au primaire et au secondaire et dans le cadre du cours éthico-politique au collégial, effectivement d'en discuter avec les jeunes. C'était effectivement, je pense, des cours à l'intérieur desquels ce type de questionnement peut être étudié. Et c'était aussi d'encourager l'intervention policière auprès des jeunes dans les cas de cyberintimidation. Ouais. C'était l'ensemble des recommandations qu'on avait formulées à ce moment-là. Donc, c'était des recommandations qui avaient été mises en 2009 En 2009. Et donc, la suite aux événements de l'automne dernier, donc le gouvernement du Québec a rendu publique une stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise pour lutter contre cette cyberintimidation puis la violence à l'école de façon plus générale. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça rejoint vos recommandations? Comment la commission accueille cette stratégie? Ça rejoint en partie nos recommandations. Je pense qu'on a tous intérêt à agir de concert et pas seulement dans notre petit coin chacun. Mais je pense qu'on se rejoint sur un certain nombre de points. Ce que je voulais quand même aussi souligner, c'est que nous, on a produit quand même un certain nombre d'outils, dont notamment une pièce de théâtre qui s'appelle TopNet, qu'on a fait monter par le théâtre parmi nous. Il y a eu 30 représentations qui ont été faites en 2011 dans les établissements du réseau scolaire. Il y en a trentaine aussi qui vont être faites en 2012, qui est accompagnée d'un guide explicatif d'ailleurs, accompagné d'un guide explicatif parce qu'il n'est pas encore tout à fait mûr, mais il vient bientôt sortir, et ça a été reconnu comme un outil officiel de sensibilisation. Et on a fait un DVD d'ailleurs en collaboration avec le théâtre parmi nous, qui est à la disposition des enseignants qui voudraient l'utiliser dans le cadre de leur cours. On a produit un petit dépliant aussi, où effectivement on décrit ce qu'est un peu la cyberintimisation, ses effets, ses conséquences, et aussi comment la prévenir, comment intervenir, avec à l'arrière une liste d'organismes ressources auxquels les victimes peuvent s'adresser éventuellement. Donc c'est une pièce de théâtre, c'est un peu original comme approche, non, une pièce de théâtre pour expliquer le phénomène de la cyberintimidation. Et donc les spectateurs, les étudiants embarquent dans cette pièce de théâtre. Quelle est leur réaction? En fait, on les fait embarquer parce que dans une situation dans laquelle ils doivent effectivement réfléchir et où ils voient en fait les conséquences. Ils reconnaissent les. Ils reconnaissent effectivement. Ouais. Bon, c'est fait. Mm-hmm. En fait, à leur attention, c'est effectivement aussi fait dans une langue qui leur est plus familière, avec les outils appropriés. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon outil là pour effectivement faire réfléchir le message sur le phénomène de fait. Ouais. C'est un outil d'ailleurs. En fait, je sais qu'il y a dans un autre établissement scolaire, ils ont monté aussi une pièce récemment. J'en ai entendu parler là. Mais nous, on l'utilise effectivement comme un outil au niveau de la sensibilisation et à disposition de ceux et celles qui voudraient l'utiliser là. C'est intéressant aussi de voir que bon, il y a plusieurs milieux, donc les écoles bien sûr, mais aussi les syndicats, la police, peut-être d'autres encore, qui prennent des initiatives contre la cyberintimidation. Est-ce que ces différentes initiatives issues de différents milieux convergent? Écoutez, dans une certaine mesure, oui, je pense qu'il faudrait qu'elles convergent davantage. Ouais. Mais par exemple, je vous parlais de la représentation de la pièce de théâtre. Ouais. Bon, elle a été diffusée, en fait, les représentations ont été diffusées en grande partie grâce, effectivement, à la police de Montréal. Ah, oui, effectivement, ils s'en sont servis beaucoup, là, comme outil, effectivement, de sensibilisation. Et donc là, vous m'avez parlé de différents outils. Donc, cette pièce de théâtre, donc, le DVD qui est disponible, comment? C'est-à-dire qu'il faut s'adresser à la commission. Tout simplement à la commission. Vous écrivez à www.ethique.gouv.ca et puis... On trouve l'information Vous pouvez aller aussi sur notre site. Il y a un article qui a été publié sur la cyberintimidation. Mm-hmm. Vous pouvez trouver l'avis de la commission jeunesse sur le site de la commission. Oui. C'est ça. Alors, un petit peu. Je me demandais comment la commission la commission développe son travail et comment elle participe au débat. Donc je vois qu'elle apporte des solutions, mais bon, elle soutient, elle donne des avis. Donc plus concrètement, elle participe, elle fait, comme je viens de le souligner, des recommandations, mais elle organise aussi des forums. Bon, l'idée aussi, c'est de travailler en collaboration avec d'autres partenaires pour essayer d'unir nos efforts. Bon, nous, une fois qu'on a lancé les questions, ce qu'on aime, c'est que quelqu'un prenne le relais aussi pour pouvoir effectivement les diffuser le plus largement possible. Donc, ce quelqu'un, c'est qui? C'est les écoles? C'est les ministères? Les écoles, les ministères, la police, j'en ai cité plusieurs. Ouais. Les enseignants aussi, parce que c'est des outils qui sont à leur disposition et ils peuvent effectivement s'en servir. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à diffuser ça le plus largement possible et à utiliser le plus d'outils possible également. Oui. Puis donc, vous avez du matériel pédagogique, donc la pièce de théâtre, là, ce feuillet. Est-ce que vous avez d'autres matériels que vous mettez à la disposition pour diffuser, pour aider les enseignants? En fait, on a aussi... En termes de sensibilisation, on a fait des affiches. Il y a ce dépliant-là qui est important. Donc, ce dépliant-là, qu'est-ce qu'il dit, ce dépliant-là? Ce dépliant-là... Parce que moi, je l'ai sous les yeux, mais les auditeurs ne le voient pas. Effectivement. qui parle de la cyberintimidation, donc qui s'intitule « Les attaques virtuelles blessent dans le monde réel », et qui nous dit qu'est-ce que c'est que la cyberintimidation, donc qu'est-ce qui la caractérise par rapport aux autres formes d'intimidation, qui parle des conséquences possibles. Pour la personne victime, pour aussi pour l'intimidateur. Pour aussi. La victime et pour l'intimidateur. Oui, c'est important aussi, je pense. Je pense qu'il faut regarder les deux volets, effectivement, qui parle également des valeurs qui sont en cause. Bon, la liberté d'expression, est une liberté qui est extrêmement valorisée dans nos sociétés, mais comme toutes les libertés, elle a ses propres limites, et elle a comme limite, bien sûr, effectivement, la liberté d'autres, des autres, c'est ça. Et le respect des autres. Bon, ouais. C'est aussi également bon, de parler du respect d'autrui, de notre rapport à l'autre, et d'avoir un comportement qui est responsable. Bon, c'est-à-dire de voir les conséquences que ça peut avoir, parce que parfois, ça peut être spontané, surtout avec la rapidité, effectivement, avec les réseaux sociaux, etc. C'est ouais, de l'instantané. Puis, ouais. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Oui, et puis effectivement, c'est tellement facile, ça se fait pas face à la personne. Ben, il y a ça aussi. Donc, il y a une certaine anonymat. D'un côté, ça dit, ça nous protège. Bon, pas toujours, puisqu'on peut parfois les retracer, mais n'empêche que c'est ça. Le fait qu'effectivement, on n'est pas l'interlocuteur face à face, ça joue aussi parce que on ne voit pas la réaction de l'autre, et quelquefois, en la voyant, on pourrait dire, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, c'est ça. Hein? Donc, il y a cet élément-là. Il y a le fait que, ben, une fois que c'est parti, c'est irréversible. Bon. Alors, et le fait que, parfois, les jeunes ne font plus la distinction vraiment entre le réel et le virtuel. Oui, c'est vrai. Ben, on espère que tous ces outils que vous avez mis à la disposition donc des personnes qui peuvent influencer dans le milieu, qui peuvent peut-être redresser le tir, on espère que tous ces outils vont porter fruit et que va cesser la cyber-intimidation. Alors, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci j'espère beaucoup. Effectivement que, de concert avec tous les autres partenaires, on va arriver à essayer d'enrayer le phénomène. Ah, exactement. Donc, je rappelle que c'était donc Madame Delery, présidente de la commission d'éthique en sciences et technologies. Je ne sais jamais exactement comment commission ça se passe. Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci beaucoup. Alors, on va faire maintenant une pause musicale sur CKRL au 89.1 et on vous revient pour un sujet un peu plus facile, mais quand même intéressant sur le plan des écosystèmes. Donc, on vous parlera de la tortue à oreilles rouges.